Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons ouvrir l'émission avec une incursion dans le nanomonde. C'est le monde des nanotechnologies et des nanoparticules. Ça fait beaucoup de nanos tout ça. Donc ces nanoparticules font leur entrée en médecine, en optique, en électronique, un peu partout et même dans l'alimentation. Ce qui peut soulever quelques questions d'ordre éthique. Alors, la commission de l'éthique en sciences et en technologie a été interpellée par ce déploiement des nanotechnologies. Et pour nous en parler, nous recevons Dominique Cliche, qui est conseiller en éthique à cette même commission. Bonjour, monsieur Cliche. Bonjour. Alors, monsieur Cliche, j'aimerais pour commencer que vous nous aidiez à nous représenter un petit peu la petitesse des nanotechnologies. Quand on dit nano, c'est petit comment? Oui, effectivement. Nano, c'est une mesure. Hein. On parle d'un nanomètre, on peut parler d'un millimètre ou d'un micromètre ou d'un mètre ou d'un kilomètre. Donc, lorsqu'on parle de nano, c'est à l'échelle nanométrique. Donc, on se trouve ici dans l'infiniment petit. Donc, un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Donc, pour vous donner une idée, lorsqu'on prend le grand mètre en bois qu'on avait à l'école, dans nos classes, on commence par le diviser par 1000. Et là, on a un millimètre. Jusque là, on est assez à l'aise, je pense, pour se représenter qu'est-ce qu'un millimètre peut être. Ce millimètre-là, on le divise encore par 1000. Mm-hmm. Et là, on a un micromètre. Ça commence à être petit, pas mal déjà. Ça commence à être dur à visualiser, Et là, lorsqu'on divise encore par 1000, ce micromètre, là, on obtient un nanomètre. Ah oui. Donc, c'est petit, là, au-delà même de ce que l'imagination humaine peut se représenter. On peut peut-être se donner, d'un point de vue visuel, un ordre de grandeur, mais encore là, c'est pas évident. Disons que l'épaisseur d'un cheveu humain, c'est environ 50 000 nanomètres. Mm-hmm. Donc, un nanomètre, c'est 50 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu humain. En termes de rapport de grandeur aussi, sinon, donc un objet qui serait d'une dimension de un nanomètre cube, par exemple, donc une nanoparticule par rapport à une pomme, a le même rapport que la pomme par rapport à la planète Terre. Ah oui, d'accord. Donc, et c'est d'ailleurs ce qui a donné le nom à une pièce de théâtre, La pomme et la terre, qui a été réalisée par la troupe parmi nous, suite aux travaux de la commission d'éthique. Une pièce de théâtre qui parle des nanotechnologies, exactement. Et donc déjà, avec ce genre d'ordre de grandeur-là, je pense qu'on voit qu'on est dans un monde qui est assez différent du nôtre. Hein, donc, et on va parler de nanotechnologie pour les interventions dans ce monde-là. Donc, à cette échelle-là, lorsqu'on va concevoir ou fabriquer de manière volontaire des structures dont une des dimensions est entre 1 et 100 nanomètres. Mm-hmm. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce nanomonde avec ces petites particules? Mm-hmm. Ben, l'intérêt d'aller travailler à cette échelle-là, donc de l'infiniment petit dans le nanomonde, c'est qu'il y a des propriétés nouvelles. Ça nous donne accès à des nouvelles propriétés pour les matériaux. À cette échelle-là, les propriétés physiques et chimiques sont différentes que celles donc des matériaux. Nos mêmes matériaux vont être différents à cette échelle-là qu'à l'échelle que nous, on peut connaître. Par exemple, la nanotechnologie va chercher à exploiter donc ces propriétés physiques et chimiques-là pour les intégrer à des produits qui existent déjà puis qui vont alors permettre de changer les propriétés de ces produits-là. Par exemple, on va pouvoir avoir des pneus qui sont plus résistants, des raquettes de tennis ou des cartes de vélo très solides. Notamment, on peut parler de... Et qui sont aussi très légers, comme avec des nanotubes de carbone, par exemple, qu'on connaît là-dedans. On va voir des tissus qui sont infrarossables, des cosmétiques qui pénètrent plus profondément la peau, etc. Alors, donc, on voit un petit peu les diverses applications des nanotechnologies, mais pourquoi la commission a-t-elle été intéressée par ces raquettes avec des nanotubes de carbone, a priori, ou avec par les cosmétiques? Ben, en soi, c'est effectivement, on se dit, c'est intéressant, pourquoi pas? Mais la commission, effectivement, s'est penchée dès le milieu des années 2000. Donc, son premier avis est paru en 2006. Puis à ce moment-là, en fait, elle s'est penchée sur les nanotechnologies parce que c'était un domaine qui était vraiment en émergence, que je trouvais important d'aborder compte tenu qu'il y avait beaucoup de recherches en physique, en chimie, en biologie qui se faisaient. Et lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup de recherches qui se font, évidemment, c'est que ça nous mène à des produits qui vont être commercialisés par la suite. Et la question à se poser... Pour nous, toujours en éthique, c'est d'arriver en amont de la commercialisation, de voir quels sont les enjeux qui peuvent être suscités par ces innovations-là. Donc, on voyait, donc, à titre d'exemple, déjà en 2001, on avait 175 chercheurs universitaires au Québec dans le domaine, plus de 40 PME qui étaient actives en nanotechnologie. Puis, il s'est créé aussi au début des années 2000, Nano-Québec, qui est un organisme financé par le gouvernement, par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui vise à renforcer l'innovation en nanotechnologie pour accroître les retombées économiques là, de ces technologies-là au Québec. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a jugé intéressant, à la suite de travaux du Conseil de la science aussi, notamment, de se pencher sur ces questions-là. plus précis. Là, c'était la filière au complet hein, qui était regardée pour la vie de 2006. Donc, les nanotechnologies vraiment de manière très large. Évidemment, ça laissait beaucoup de zones d'ombre. En 2009, on a reçu une demande du MAPAC qui, lui, voulait s'assurer qu'on Donc, le MAPAC, c'est le ministère, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui, lui, voulait s'assurer, en fait, qu'il y ait une gestion responsable des nanotechnologies dans un domaine particulier qui est celui de l'agroalimentaire. Mm-hmm. On doit donc demander de se pencher sur les impacts possibles des nanos dans ce domaine-là. Donc, à partir d'éléments de l'avis de 2006 qui étaient encore pertinents, la commission a quand même souhaité poursuivre la réflexion davantage pour vraiment se conscrire dans les enjeux spécifiques en agroalimentaire, pour se pencher donc sur les nanos dans la production agricole, dans la transformation des aliments, donc lorsqu'on modifie carrément les composantes des aliments, dans la distribution des aliments, notamment avec les questions des emballages qui vont pouvoir comporter des nanoparticules, ou dans la consommation, carrément les aliments eux-mêmes. Et l'aspect éthique proprement dit, si on veut, c'est vraiment qu'il y avait des inquiétudes concernant l'entrée de ces substances-là, qui sont particulières, qui ont des propriétés nouvelles dans la chaîne alimentaire humaine et animale, qui peuvent avoir des impacts importants sur la santé et l'environnement. Donc, il fallait évaluer cet impact-là. Et aussi, il y avait des inquiétudes concernant notre capacité en tant que société à bien gérer les risques nouveaux qui peuvent être soulevés par ces nouvelles technologies. Ouais. J'aimerais qu'on revienne, vous en avez parlé brièvement, des applications plus particulières des nanotechnologies dans le domaine de l'agriculture. D'agricole, production agricole, on met des nanoparticules dans le champ? Ça peut être le cas, en fait. Donc, évidemment, là, on a abordé de manière plus générale certains matériaux là, issus des nanotechnologies, mais j'ai quelques exemples peut-être un peu plus parlants pour l'aspect agroalimentaire en particulier. Oui. Vous parliez de mettre des nanoparticules dans le champ. En fait, on peut avoir des nanocapteurs, par exemple, qui sont des très, très petits capteurs, un capteur étant un instrument pour recueillir des données. Puis, ces capteurs-là vont être disposés dans les champs de manière à surveiller, de manière très précise de la condition, de la composition des sols. Qu'est-ce que ça nous donne, ça, dans le fond? Ben, c'est de pouvoir savoir précisément à quel moment et à quel endroit dans le champ on peut avoir besoin d'utiliser un certain pesticide ou avoir utilisé certains engrais, là où il y a des manques, des carences pour les plantes, là où le développement est plus difficile. Et donc, d'intervenir de manière ciblée plutôt que de dépendre un pesticide dans l'entièreté du champ, on peut imaginer de réduire l'utilisation en y allant de manière ciblée. D'autres utilisations dans le domaine de la production, on pourra penser à une moulée pour les animaux, donc qui contiendrait des nanoparticules de polystyrène, ce qui nous, à notre échelle de grandeur, est dans ce qu'on appelle notre styrofoam, mais qui, à l'échelle nano, a des propriétés antibiotiques, et donc qui pourrait faire en sorte qu'on puisse donner ça au lieu des antibiotiques traditionnels aux animaux. On peut aussi penser à étendre certains types de nanoparticules sur des sites, donc là encore là, les étendre sur le sol, mais sur des sites contaminés, pour faire de la décontamination du sol. Oui. On sait que c'est quelque chose qui est quand même très complexe et laborieux, là, décontaminer des sols de manière, entre guillemets, traditionnelle, mais il y a des recherches qui ont montré que certaines nanoparticules étendues, donc dispersées sur un sol, avaient vraiment permis d'éliminer rapidement et à faible coût des métaux lourds qui s'y trouvaient. Il y en a d'autres. Écoutez, dans le domaine de la transformation, on va pouvoir penser développer des aliments. C'est ça? Donc, il y a la partie agricole, puis après, il y a l'agroalimentaire. Effectivement, il y a plusieurs secteurs. Donc, on passe de la production, mais il y a beaucoup de transformation des aliments aujourd'hui. On consomme beaucoup d'aliments transformés. Et il y a souvent un recours assez important au gras, qui est de plus en plus. Les gens cherchent de plus en plus à couper le gras, en fait, dans leur alimentation. Et ça a un impact, évidemment, sur la texture des aliments, sur le goût. Certaines nanoparticules pourraient permettre de recréer, si on veut, les textures qu'on perd lorsqu'on retire le gras, mais sans gras. Donc, les avantages sont les inconvénients. Exactement. Ensuite, dans le domaine des emballages, on peut penser à des emballages qui laissent passer certains gaz, qui en retiennent d'autres, donc qui forment un certain filtre très petit. Pour une meilleure conservation. Exactement. Donc, qui permettent de préserver la qualité des aliments, d'éviter qu'ils soient périmés plus rapidement, et même qui pourraient changer de couleur lorsque l'aliment lui-même est périmé. Ah, il y aurait donc, comme un détecteur qui nous dirait il y a des petites bébêtes non désirables. Ouais. Donc, ça, c'est la date de péremption, on pourrait dire 2.0, donc qui est en communication avec son environnement. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui peuvent se faire. C'est des choses qui sont possibles, tout à fait. Un autre élément intéressant du côté de la consommation, donc vraiment lorsqu'on arrive à consommer les aliments, mais ou dans la manipulation de la part par le consommateur et non par rapport à l'industrie, des accessoires comme une planche à découper qu'on recouvrerait de nanoparticules d'argent. Donc l'argent, lorsqu'elle est à l'échelle nano, a des propriétés antibactériennes. Donc tue les bactéries, permettent par exemple de diminuer les risques d'intoxication. Donc ça fait quand même des applications très variées, même dans ce secteur-là de l'agroalimentaire. Très variées, très intéressantes. Et puis c'est très intéressant. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant dans tout ça? Bien, je vous dirais, le premier point, c'est qu'il y a vraiment... Il faut considérer une sensibilité particulière qui est liée au domaine alimentaire. aussi intéressant que ça puisse être, on a une vigilance particulière à avoir lorsqu'on rentre dans le domaine alimentaire, parce que manger, c'est quelque chose qui est évidemment au cœur de notre quotidien. C'est quelque chose qui est un incontournable. C'est une question de survie. Il y a un dicton qui dit « on est ce qu'on mange ». Donc, et en effet, ce qui est dans notre assiette aujourd'hui, ça va constituer demain notre propre chair. Donc, c'est vrai. Nécessairement, on a une relation qui est très intime avec la nourriture, étant donné qu'elle devient notre propre corps. Et donc, je pense que déjà là, on voit que c'est un sujet sensible. Faut faire attention. Les nanoparticules peuvent effectivement peut-être créer un faux gras, mais est-ce que les gens vont vraiment vouloir le manger? Que deviennent ces nanoparticules dans notre corps? Comment est-ce qu'elles vont interagir à l'intérieur de notre corps, se disperser dans notre corps? C'est des questions qu'il faut absolument se poser. Il y a un autre élément aussi à mentionner, je dis encore une fois, qu'on est ce qu'on mange. C'est aussi un peu dans l'idée que nos choix alimentaires sont généralement fortement influencé par des considérations, en fait des valeurs qui nous définissent, qui forgent notre identité. Il y a des dimensions religieuses, culturelles, sociales et morales à l'alimentation. Donc maintenant, certains ont un souci pour l'environnement, d'autres un souci davantage pour le bien-être animal. D'autres vont chercher à se distinguer parce qu'ils mangent. Donc, je mange du caviar et pas de ballonné. Donc, il y a une forme de mise à distance de certaines autres personnes dans le corps social, par l'alimentation. Évidemment, ça, en tant que tel, n'a pas d'effet sur les nanotechnologies, mais tout ça pour dire, en fait, que ça implique... peut créer un malaise chez le consommateur par rapport à son identité. C'est-à-dire qu'il y a une foule de conceptions, de valeurs et de préférences qui sont en jeu dans le phénomène alimentaire et qui nécessitent une certaine forme de vigilance supplémentaire, si on veut. Dans le domaine des nanotechnologies, de manière plus large, la réticence est d'emblée moins grande dans le public. On est capable de voir un peu ce que c'est, puis on dirait que ça nous affecte un peu moins. Mais lorsqu'on parle vraiment de ce qu'on mange, de ce qui se retrouve dans notre assiette, ou même dans la chaîne de production, là, tout d'un coup, il y a des éléments de sensibilité qui fait qu'il y a plus de dimensions auxquelles il faut faire attention, auxquelles il faut porter attention. Et un des rôles de l'éthique, c'est de s'assurer que dans la prise de décision, ces dimensions-là soient effectivement prises en compte, et non pas uniquement une perspective, on pourrait dire, froide et déconnectée là, des attentes précises du consommateur. D'accord. Et donc, dans ce contexte-là, comment la commission a abordé justement cet enjeu éthique des nanoparticules dans notre alimentation? Considérant effectivement ce que je viens de vous dire, c'est la perspective du consommateur qui a été adoptée par la commission pour voir, en fait, déterminer quels sont les enjeux puis intervenir. Cette perspective-là a été choisie en raison essentiellement de notre besoin de nous alimenter. La personne humaine, elle est nécessairement dépendante à la nourriture. Et qui dit dépendance dit vulnérabilité. Parce qu'en mangeant, on est obligé de manger et de ce fait-là, on est obligé de s'exposer aux risques qui viennent avec le fait de manger. Autant les nanotechnologies, en fait, peuvent nous aider à réduire certains de ces risques-là, et donc on les accueille assez positivement dans ces cas-là. Donc, par exemple, avec des produits qui gardent des aliments frais plus longtemps ou qui éliminent les bactéries pour éviter des intoxications. Ou même d'autres qui assurent, en fait, un meilleur rendement des récoltes, donc qui permettent donc de pallier cette vulnérabilité-là liée au manque de nourriture possible. Mais en même temps, les nanotechnologies peuvent introduire des nouveaux risques. Et c'est là, évidemment, que il y a intervention, qu'il y a Donc, qu'est-ce que c'est, ces risques-là, justement? Certaines études, en fait, ou certains rapports d'experts ont laissé entendre qu'il y avait des composés qui sont utilisés là, en nanotechnologie de synthèse, donc créés par l'homme, vraiment issus des nanotechnologies, qui comportent des risques particuliers spécifiquement à l'échelle nanométrique. Donc, vraiment, ce sont les nanoparticules elles-mêmes qui ont des risques. Donc, la même molécule, peut-être, mais à une autre échelle plus importante, ce serait métabolisé, il n'y aurait pas de problème. Mais là, parce que c'est à l'échelle nanométrique... Elle a des propriétés différentes, exactement. Le plus évident, en fait, par exemple, certaines nanoparticules vont pénétrer beaucoup plus facilement dans les tissus humains et animaux que des particules plus grosses. Et donc, il y a une question, effectivement, de diffusion ça, à l'intérieur même du corps. Peut-être que l'estomac est fait pour gérer certaines particules, mais si ça diffuse plus loin ou ailleurs, si ça va dans d'autres parties du corps, peut-être que ça va peut-être aller dans les particules, dans les poumons, je ne sais pas où. Et là, il faut savoir les interactions possibles. Pour interagir avec ces particules-là, exactement. On ne sait pas. Et aussi, on ajoute à cela qu'il y a une foule de manières dont l'environnement et l'humain peuvent être exposés aux nanoparticules. Et le problème avec ça, c'est qu'on connaît assez peu, dans le fond, sur la manière dont vont se diffuser ou vont migrer les nanoparticules de synthèse, donc les nanoparticules issues des nanotechnologies, à l'intérieur de nos organismes ou dans l'environnement. Évidemment, il y a aussi des possibilités que des nanoparticules soient introduites involontairement ou accidentellement là, dans la production même d'aliments, et là, qui fait en sorte qu'on les ingérait directement. Ce qui fait que l'enjeu, en fait, c'est les risques, ils sont potentiel encore. Donc, on voit qu'il y a des risques possibles. C'est très difficile de les identifier précisément. Et donc, on se retrouve avec un problème au niveau de la décision. On se dit, en fait, l'évaluation du risque est à la fois critique et essentielle. On n'a pas le choix, compte tenu de la sensibilité même de l'alimentation. Mais elle est aussi extrêmement complexe. Mm-hmm. Et on manque de données sur ces risques-là. Oui. C'est difficile de tirer des conclusions en ce moment ou à trouver des consensus dans la communauté scientifique. Ça exige de coordonner plusieurs champs de recherche entre eux et donc de pouvoir mettre ensemble des données, de faire travailler ensemble des scientifiques. Et donc, il y a un effort important qui doit pouvoir être fait de ce côté-là là, pour vraiment identifier les risques réels. Mais devant cette incertitude-là, évidemment, sans alerter personne, évidemment, mm-hmm. là, parce que lorsqu'on parle de risques possible, on n'est pas en train de dire qu'il y en a certainement, mais qu'on ne sait juste pas c'est quoi encore. Peut-être qu'il n'y en a pas. Cela dit, on a quand même de bonnes raisons de demander davantage de recherche et d'être mm-hmm. prudent dans le domaine en attendant des données plus mm-hmm. probantes. Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'est pas pour crier au loup, mais c'est exactement. Pour connaître la situation, pour faire un état des lieux, connaître la situation. Et dans ce cas-là, ben, la communication sur le risque, justement, va être importante, savoir informer du risque tel qu'il est, quel risque est présent ou pas, et ce que l'on sait de ces risques. Sinon, est-ce qu'on risque pas de se retrouver un petit peu avec des problèmes d'acceptabilité sociale, un peu comme ça se passe pour les OGM? En effet, je pense que c'est un élément qui est crucial. Surtout qu'il y a encore un enjeu de confiance de la part du public, ou du moins d'une partie du public envers l'industrie, envers les organismes de surveillance, de réglementation. C'est beaucoup une question de communication. Il y a un genre de paradoxe où on peut essayer d'être, lorsqu'on a les données, d'être le plus transparent possible au risque d'être mécompris par certaines parties de la population. Mm-hmm. Donc, parce qu'il faut quand même avoir un certain bagage pour bien comprendre l'information, avoir les outils pour bien comprendre l'information mm-hmm. qu'on nous donne. Un risque dans un certain contexte n'est pas seulement un risque qui va s'appliquer à tout le monde ou qui va s'appliquer dans le monde, on peut dire, le monde réel qu'on connaît. Un risque en laboratoire ne se répercute pas nécessairement dans, mm-hmm. dans l'assiette. Et donc, il y a ce côté-là. Et de l'autre côté, si on essaie d'avoir une information qui est bien cannée, très, très... Si on la simplifie trop... Et là, les gens peuvent, des fois, à tort ou à raison, mais des fois à raison, avoir l'impression qu'on leur cache quelque chose. Mm-hmm. Et donc, c'est beaucoup une question de communication. Il y a des enjeux importants là-dedans, à la fois d'intégrité, de transparence. Et donc, il doit y avoir un dialogue entre scientifiques, gouvernement et population. Il y a des ponts qui sont à construire entre les attentes et les craintes de la population et les réponses que peuvent leur donner les scientifiques. Mm-hmm. Et ça, c'est une leçon qu'on peut avoir effectivement du dossier sur les OGM, où ce pont-là a visiblement est encore difficile à construire. Mm-hmm. Donc, essayer d'éviter ça dans le cas des nanos. T'sais. Là, on rentre dans le domaine de l'acceptabilité sociale. Donc, en fait, de deux choses, il est évidemment important de tenir compte des risques objectifs qui sont déterminés par les scientifiques. Et ça, on en a quelques-uns qui peuvent être déterminés. Donc, les risques objectifs, en fait, comment on peut définir ça? C'est-à-dire les risques qui sont scientifiquement démontrés. Donc, lorsque ce qu'ils vont faire l'objet de publication. On sait que c'est à telle dose, que si ça va dans tel organe. Mm-hmm. D'accord. Donc, et de l'autre côté, on peut pas faire abstraction non plus de la perception du risque dans la population, qui est beaucoup plus liée à des questions de confiance, à leurs préoccupations qui leur sont propres, qui sont pas toujours exactement les mêmes que celles des scientifiques. Hein, comme on parlait des mm-hmm. dimensions multiples, hein, culturelles, sociales, ça vient jouer là-dedans. Le scientifique, normalement, va avoir une vision... J'aime pas tant l'idée rationnelle, mais quand même assez... Cartésienne, quand même. Ouais. Ça, il va dire, bon, telle molécule, ça va mal interagir avec telle mm-hmm. autre chose, mm-hmm. dans tel endroit du corps, etc. Donc, ces autres dimensions-là ne sont pas nécessairement prises en compte dans la réflexion des scientifiques. Et donc... Et elles sont importantes aussi. Elles sont importantes. Ouais. Et donc, il faut pas faire abstraction non plus de voir quels sont les types de questions en fait que le public va se juger en droit de poser. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'il faut se demander et aussi qu'il va juger qu'il est en droit d'obtenir des réponses. Parce que tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on ne trouvera pas une manière d'adresser ça, donc mm-hmm. de faire face à ça, le public va continuer à demander des réponses. Et on n'établira pas le pont, justement. Exactement. Mm. Et donc, ce qui est intéressant, d'un point de vue peut-être plus pour revenir aux questions éthiques, c'est qu'on passe alors d'enjeux qui sont proprement scientifiques, comme des questions comme quelles sont les conséquences de telles nanoparticules sur les tissus humains ou comment se diffuse une telle nanoparticule dans un environnement donné, à des enjeux qui sont vraiment de l'ordre démocratique ou sociaux. Donc, quelles sont les craintes de la population? Quelles sont ses attentes? Comment est-ce qu'elle peut être consultée pour enrichir la prise de décision du gouvernement? Puis il y a des questions, on reparlait des OGM tantôt, ben, qui vont être similaires au cas des OGM, comme est-ce qu'on doit opter pour l'étiquetage des produits issus des nanotechnologies? Est-ce que cette information-là est pertinente pour les gens, pour qu'ils fassent des choix? Est-ce qu'ils veulent cette information-là pour pouvoir faire les choix alimentaires? Des choix qui demeurent, malgré tout, des choix privés, comme on disait, avec la relation intime avec la nourriture. C'est toutes des choses que vous essayez de cerner à la commission de l'éthique, ça? Exactement. Quelles sont les attentes de la population? Comment on peut communiquer tel risque à la population? Qu'est-ce que la population s'attend de savoir? C'est toutes des choses que vous étudiez. C'est des questions qu'on pose et qu'on dit qu'il est important de poser. Ensuite, évidemment, il y a une dimension où la commission elle-même ne peut pas tenir ces consultations-là ou, au nom du gouvernement, avoir ce grand dialogue-là et mettre tout le monde autour d'une même table. On a, malheureusement, il y a des limites aussi au mandat qu'on a et aux moyens qu'on peut mettre en œuvre. Mais c'est clair que c'est les préoccupations qui sont mises de l'avant dans le cadre de l'avis qui est proposé par la commission. Et dans ce dossier-là, mais aussi dans d'autres aussi similaires, là, où il y a des questions d'acceptabilité sociale importantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement après ces études, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, la commission, face à tout ça, là, a formulé 9 recommandations qui interpellent directement les différents acteurs du secteur, c'est-à-dire gouvernement et industrie principalement. Je vous lirai pas là, les 9 recommandations, mais en gros, on peut faire un topo. Là. Les premières recommandations vont porter explicitement sur le développement de la connaissance et de l'expertise scientifique. Donc, comme je disais, il y a quand même un certain manque d'informations. Encore maintenant, il y a besoin de développer des connaissances scientifiques pour bien saisir les niveaux de risque, dans quelles situations. Et donc, la commission, elle, constate que c'est vraiment primordial pour la gestion du risque qu'on puisse s'appuyer sur des connaissances scientifiques solides pour prendre des bonnes décisions, que ça se fasse de manière éclairée. Elle recommande aussi au gouvernement d'engager un dialogue beaucoup plus actif avec la population québécoise sur les développements technoscientifiques qui touchent l'alimentation, compte tenu de cet aspect-là sensible. Puis, c'est nécessaire pour ça, pour permettre à la population aussi de faire des choix éclairés, à la fois, donc, de recueillir leurs préoccupations, mais donc de pouvoir y répondre. De la même manière, il va devenir primordial de promouvoir, d'entretenir une véritable relation de confiance avec les différents acteurs sur cette question-là. Donc, les différents acteurs, c'est aussi industrie, bien les chercheurs, gouvernement, scientifiques et population, de manière globale. Et donc, pour ce faire, la commission recommande de mettre en place des outils d'information qui vont permettre, justement, de diffuser l'information à ces différents acteurs-là, de partager l'information, dont un portail Internet qui permettrait alors à la population québécoise d'avoir facilement accès à une information fiable, complète, objective sur ces développements-là. De manière générale, la commission s'est fondée sur les valeurs vraiment de santé et d'environnement, donc le respect de l'environnement, la protection de la santé humaine, puis a cherché à insister dans ses recommandations sur la responsabilité de nos gouvernements en regard de ces valeurs-là. D'accord. Et ça, c'est quand même cet avis-là date quand même de, je me souviens plus, vous m'avez dit 2011, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que ces recommandations ont porté fruit depuis l'apparition de l'avis? Oui, bien, comme j'ai dit, c'était une demande du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Et donc, eux ont été proactifs là, à la suite des... la publication de l'avis, donc on leur adressait beaucoup de recommandations. Le MAPAC, donc le ministère en question, a mis sur pied une cellule de veille sur les nanotechnologies dans le domaine agroalimentaire. Ils ont aussi un observatoire sur les nanotechnologies, donc encore une fois, qui permettent de recueillir l'information pertinente, d'en faire une certaine diffusion. Avec des collaborateurs, le MAPAC a aussi mis en ligne un portail, qui est le portail AgriRéseau, dont une section porte spécifiquement sur les nanotechnologies. Ça a été fait dans le même ordre d'idée que le portail sur les OGM, qui a été mis en ligne par le gouvernement du Québec à la suite de la publication de notre avis en 2003 sur les OGM. Aussi, ben, c'est, même si on dit 2011, ça fait quand même un certain temps, ça fait maintenant près de 5 ans, mais ça fait 5 ans. Il reste qu'il y a plusieurs éléments dans les recommandations qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Et on sait qu'encore une fois, au MAPAC, là, ils ont encore en tête certaines autres des recommandations qui sont en discussion, mais en procédure pour pouvoir les réaliser. Puis aussi, j'imagine que ces avis-là sont disponibles sur le site de la commission. Tout à fait. Ben, si vous êtes intéressé par le thème, vous pouvez avoir nos avis. Donc, l'avis de 2006 sur les nanotechnologies et l'avis de 2011 sur les nanotechnologies en agroalimentaire qui sont disponibles en ligne, donc en format PDF ou sur demande en format papier. Puis pour ceux qui seraient intéressés par la pièce de théâtre dont je parlais plus tôt, La pomme et la terre sur les nanotechnologies, mm-hmm. c'est disponible en DVD, sur demande à la commission. Vous pouvez les avoir sur notre... Okay. Donc, vous pouvez nous écrire. Notre site web, c'est le www.éthique.gouv.qc.ca. Vous pouvez écrire sinon à éthique@commercialéthique.gouv.qc.ca pour vos questions. Sûrement qu'on trouve facilement sur Internet. Bien sûr. C'est ça. Et sinon, cette pièce de théâtre, ça m'intrigue. Ça a été présentée dans quel cadre? Le théâtre parmi nous fait du théâtre éducatif. Là, auprès des jeunes. Donc, ça a été, il y a eu une tournée qui a été faite, et je pense qu'il y en a une plus récente, mais il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas les dates ou les détails donc, c'est sous dans la les main. Écoles. Mais oui, ça a été effectivement fait dans les écoles. Le théâtre parmi nous, on a eu quelques collaborations avec eux, notamment aussi sur la question de la cyberintimidation, qui avait fait une pièce de théâtre aussi qui portait sur ce thème-là, qui a roulé beaucoup dans les écoles, compte tenu que c'est évidemment un thème. Malheureusement, dont on entend encore beaucoup aujourd'hui parler. Parce que c'est ça, là, ça va dire, c'est un exemple où l'information va directement vers la population, alors que pour le site, c'est la population qui doit aller vers les sites web. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Là, c'est vraiment un effort où, de diffusion vers la population. Exactement, oui. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Clich, de nous avoir éclairé d'abord sur la présence des nanotechnologies dans le domaine de l'alimentation, parce que c'est pas évident qu'on trouve des nanotechnologies dans ce domaine-là. Et puis sur les enjeux éthiques que ça soulève. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Ça m'a fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Puis, je rappelle que vous êtes conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. On va faire maintenant une petite pause sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle du chauffage au bois, écologique, peut-être pas toujours tant que ça.